tu pars avant d'avoir envie de rester, pendant que tu as encore le courage de me regarder, pendant que je n'y vois pas d'inconvénient. C'est peut-être dur, mais dès demain tu sais, pense qu'il faudra commencer à s'oublier. Nous verrons tout le monde s'il en est si fort. Il faudra se dire que l'on sait ne pas simplement se le faire remarquer. Il faudra se dire que l'on sait, mais si c'est dur à cracher. Écoute, écoute, l'orage est loin maintenant, la dernière adresse a fini par te laver. J'ai oublié et j'en veux déjà nous retrouver. Malgré tout, te revoir après tout ce temps m'aimera beaucoup de courage. Vraiment, je risque d'être impressionné à tes côtés. Il faudra se dire que l'on sait ne pas simplement se le faire remarquer, remarquer. Oh, il faut se dire que l'on sait, mais si c'est dur à cracher, mais si je ne suis pas sûr de t'avoir tout pardonné, quoi te dire si ce n'est cette banalité. Oui, c'est bête à dire, mais tu m'as manqué. Même si je ne suis pas sûr de t'avoir tout pardonné, quoi te dire si ce n'est cette banalité. Oui, c'est bête à dire, mais tu m'as manqué, manqué. Ah oui, faut se dire que l'on sait ne pas simplement se le faire remarquer, remarquer. Oh, il faut se dire que l'on sait, mais si c'est dur à cracher. Oh, il faut se dire que l'on sait ne pas simplement se le faire remarquer, remarquer. Oh, il faut se dire que l'on sait, mais si c'est dur à cracher. Même si c'est dur à cracher, même si c'est dur à cracher, même si c'est dur.